Mardi 16 octobre, 6h. À Écou du matin. Aubemette. Rien ne bouge encore. Ma prison est un haïku japonais. Immobile et parfait. La visiteuse des prisons. Le gardien de la nuit, comme l'ange, n'est pas encore passé. Mais il ne va plus tarder à présent. Sa dernière ronde est inutile. Lui aussi le sait bien, mais pourtant il devrait la faire. Si l'un de nous s'est pendu, comment aurait-il pu s'en apercevoir? Les cellules sont plongées dans le noir, vaguement éclairées par les projecteurs des cours. On peut mourir ici, la nuit, en toute quiétude. Chacun s'est fabriqué un cache en carton qui masque l'œilleton. Il nous protège durant la journée des regards indiscrets des détenus en balade sur la coursive. Ceux qui viennent vous brancher pour avoir du tabac. Chaque soir, nous devons le retirer, afin que le surveillant de la nuit puisse voir dans nos cellules. Si vous avez laissé le cache, il frappe à votre porte jusqu'à ce que vous l'ayez ôté. Faut se lever. À moins, bien entendu, qu'entre-temps, vous soyez mort. À ce moment-là, il n'ouvrira qu'après qu'un de ses collègues soit venu lui porter main forte. Vous avez mille fois le temps de vivre, de mourir et de ressusciter. 6 heures. Aubemette où rien ne bouge. La mort seule me caresse la nuque. Immobile et parfaite. Elle me désire encore. Pour peu, pour pas grand-chose, pour un mot de travers, pour une lettre qu'on n'a pas reçue, ou une visite au parloir qui s'est mal passée, ou qui n'a pas eu lieu. Un parloir fantôme comme on dit. Elle coucherait avec moi peut-être même pour rien. Ici c'est une fille facile, une putain de mauvaise vie. Elle passe de cellule en cellule et puis de lit en lit, faisant des allées et venues. Parfois même elle revient sur ses pas. Elle évite la ronde des gardiens. Elle guette à chaque porte. Elle nous chuchote aux oreilles, elle s'insinue dans nos draps. Elle a encore envie. Elle au moins, elle a toujours envie. Ici, cette maraude, personne, aucun homme ne l'a jamais complètement comblée. Elle est comme une main amoureuse. Elle est insatisfaite. À 7 heures. Où rien ne bouge encore. Elle veut bien s'allonger près de moi. Moisissure immobile et parfaite.